Non, parce qu'il y a des pays d'Europe qui n'ont jamais été colonisateurs et qui subissent l'invasion migratoire, notamment la Suède. La Suède n'a jamais colonisé qui que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, tu vois, bon, autre chose aussi.